le Rassemblement des travailleurs agricoles et des membres de leur union consacré au 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée s'est déroulé le 16 courant à la ferme coopérative de Chunsam de l'arrondissement d'Anbyon, province du Gangwon. Y ont pris part les officiels intéressés. Les orateurs y ont indiqué que pendant sa direction du Parti du Travail, le général Kim Jong-il a exploré une nouvelle étape dans l'édification d'un parti révolutionnaire et jeté de solides bases pour achever la cause révolutionnaire Chuse. Ils ont ajouté que conformément à la demande de l'époque et du développement de la révolution, il a développé le travail de l'Union des agriculteurs à une étape plus élevée et conduit pas à pas son travail. Ils ont souligné que ses exploits pour l'édification d'un parti à la coréenne sont brillamment continués par le dirigeant suprême Kim Jong-un.